Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 20 avril 2020, voici les grands titres de cette édition. De nombreux habitants de la zone Gatumba sont sans abri, leurs maisons ont été inondées par les eaux de la rivière Rusizi qui a débordé. Vous aurez les précisions du président de la plateforme pour la protection civile et la gestion des catastrophes dès le début de ce journal. La distanciation sociale comme geste barrière contre la propagation du coronavirus reste difficile à observer, comme ont pu le constater nos reporters à différentes écoles à la rentrée des classes pour le dernier trimestre de l'année scolaire en cours. Et 6 personnes de la colline Gatoué, zone Rushuigi en commune Nega de la province Kirundo ont été blessées, dont 3 grièvement dans des échauffourées entre les militants des partis CNDD-FDD et ceux du CNL. C'était dans l'après-midi de ce dimanche. Notre correspondant sera en ligne pour plus de détails. Et en actualité internationale, Uvira compte ses morts après les inondations de la semaine passée. 24 personnes ont été inhumées samedi et depuis, 3 corps supplémentaires ont été retrouvés. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, environ 5000 ménages de la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura ont été inondés. La police de protection civile qui fournit ces chiffres dit que cette situation est consécutive au débordement de la rivière Rusizi. Les sans-abri de cette zone demandent à l'État de les secourir. Suivez Antoine Nemako, c'est le président de la plateforme pour la protection civile et la gestion des catastrophes. Nous sommes ici à Gatumba pour le constat, comme vous le voyez, suite aux inondations dues aux pluies de rivière, dues aux crues de la rivière Rusizi. Ce sont des crues inhabituelles. Inhabituelles pourquoi ? Il y a plusieurs quartiers affectés en même temps. Le quartier Kinya 1, le quartier Kinya 2, le quartier Mouchacha 1, le quartier Mouchacha 2, Gaharawe, avec une population estimée plus de 5000 ménages. Vous sentez que c'est catastrophique. Donc tout le monde dans ce quartier doit déménager. Ils n'ont sauvé rien, ni l'alimentation naturellement, ni les habits, ni les installations de cuisine, les attributs. Donc ils n'ont rien. Ils sont là, vous les voyez, sur la voie goudronnée. Donc il faut à tout prix apporter une réponse. La première réponse, c'est quoi? Il faut d'abord qu'ils soient sauvés pour éviter les accidents d'aventure. Parce que Lucise apparemment a dévié de son lit, presque. Donc ça coule comme une rivière dans ce quartier. Ils ont tout perdu. Deux, maintenant que les groupes sectoriels, la sécurité alimentaire, la sécurité non alimentaire, la santé, l'assainissement, tous les secteurs qui composent la vie du pays, il faut qu'ils se réunissent maintenant pour rassembler les moyens pour porter assistance rapide. Ça doit être rapide parce qu'il y a parmi ces gens là-bas des gens vulnérables. Il y a les vieux, les vieilles, les femmes enceintes, les petits-enfants. D'ici, ça peut causer encore plus de dommages en plus de ces inondations. Maintenant, il faut qu'on cherche où les caser. On est ensemble avec l'administration locale, l'administration provinciale naturellement va venir. Donc il faut à tout prix trouver un endroit où le localiser provisoirement ces gens. Parce que ces lieux là-bas, comme vous le voyez, c'est pas de l'eau qui va s'en aller d'ici une semaine. Ça peut durer plusieurs et ça continue à venir. Antoine Nemako, président de la plateforme pour la gestion des catastrophes et la protection civile. Et 6 personnes de la colline Gatoué en zone Rushuigi de la commune Nega, c'est dans la province de Kirundo, ont été blessées, dont 3 grièvement dans des échauffourées et ont opposé les militants des partisans des FDD et ceux du CNL. C'était dans l'après-midi de ce dimanche. L'administrateur de cette commune demande à la population de cette zone, surtout les militants des partis politiques, de se respecter mutuellement. Il ajoute que 6 personnes, dont 4 du CNL et 2 du parti au pouvoir CNDD-FDD, sont dans les mains de la police pour enquête. Abraham Safari. Comme nous l'ont précisé, certains blessés trouvés à l'hôpital, tout a commencé ce dimanche vers 17h, lorsque les membres du CNL venaient de la réunion au chef-lieu de la commune Anega. Arrivés sur la colline Gatwe de la zone Rushuigi, ils ont agressé les membres du parti CNDD-FDD qui partageaient un verre après une réunion qu'ils faisaient également sur cette colline, d'après le chef de zone Rwasa Emmanuel, qui est parmi les blessés. Ce dernier nous a fait savoir qu'il a été attaqué lorsqu'il essayait de se mettre entre les deux parties en conflit. De l'autre côté, un membre du CNL, Sayung Samuel, également blessé au cours de ces bagarres, nous a précisé plutôt qu'ils ont été lancés des pierres lorsqu'ils ont passé tout près des membres du parti CNDD-FDD et la scène a commencé. 6 personnes, dont 3 grièvement blessés, 1 du CNDD-FDD et 2 du CNL, sont en train d'être soignés. À l'hôpital, des infirmiers nous ont fait savoir que ces blessés ont risqué également de se bagarrer hier, n'eût été l'intervention d'un policier qui était sur place. L'administrateur de la commune d'Onega précise qu'il s'agit de l'intolérance politique et il demande à cet effet le respect mutuel, surtout entre les membres de ces deux partis. Il nous a dit également que 6 personnes, dont 4 du parti CNL et 2 du parti CNDD-FDD, sont dans les mains de la police pour question d'enquête. Depuis Kirundo, Abraham Safa pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Le candidat présidentiel du parti UPRONA, Gaston Sindimwa, a été désigné par le congrès extraordinaire de ce parti. C'est Anissé Niyongabo qui le déclare. Il est porte-parole du candidat présidentiel Gaston Sindimwa. C'était lors d'une conférence de presse animée ce lundi. Il se dit surpris par un groupe de membres de se réclamant des UPRONistes qui avancent que la candidature de Gaston Sindimwa n'est pas légitime. Ce porte-parole du candidat présidentiel de l'UPRONA exhorte également aux services les services concernés de travailler en synergie pour couper court au cas d'intolérance politique qui s'observe à la veille de la campagne électorale. Suivez-le. En date du 1er février 2020, le parti UPRONA a désigné son Excellence Monsieur Gaston Sindimwa comme son candidat aux élections présidentielles du 20 mai 2020. Le candidat du parti UPRONA aux élections présidentielles a appris par la voix des médias qu'un groupe de personnes se réclamant du parti UPRONA a tenu une réunion au cours de laquelle il a appelé les Badasigaana à voter pour le candidat du parti CNDD-FDD. Le candidat du parti UPRONA demande aux Burundais en général et aux Badasigaana en particulier de ne pas être distraits par ses propos et de s'en tenir uniquement à la décision du parti prise par le congrès extraordinaire tenu en date du 1er février 2020. Bien entendu, le candidat du parti UPRONA reste ouvert au dialogue avec quiconque le voudrait, mais dans le strict respect de la loi et des statuts du parti UPRONA. Comme l'on observe ici et là dans le pays, des cas isolés de criminalité et d'intolérance politique, le candidat du parti UPRONA exhorte les services gouvernementaux concernés à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité pour tous, de jour comme de nuit, condition sine qua non pour des élections libres et transparentes. De façon particulière, les gouverneurs de province, les administrateurs communaux et les commissaires de police au niveau provincial et communal sont invités à assumer leurs responsabilités conformément aux conclusions des réunions tenues à leur intention et ensemble avec les responsables des partis politiques agréés par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions au nom du gouvernement. Le gouvernement et la magistrature sont ainsi invités à rester vigilants pour sanctionner les coupables et leurs complices en cette période cruciale de notre histoire, conformément au code pénal et au code électoral. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains directeurs d'école à régime d'internat de la capitale politique Gitega demandent aux responsables sanitaires de leur donner des conseils au quotidien afin d'améliorer la prévention du coronavirus du moment qu'à l'école il y a beaucoup de monde. C'est au moment où ce dimanche, ils ont accueilli les élèves pour commencer le troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Ces directeurs indiquent que certaines mesures du ministère de la Santé, comme l'écart d'un mètre entre deux personnes, leur est difficile à appliquer à ces écoles, étant donné que ces élèves dorment à deux sur un même lit et qu'en classe, ils s'assoient aussi à deux, voire à trois sur un pupitre. Arthur Kawaouchi, reportage. Depuis ce dimanche, les élèves internes ont été accueillis pour commencer le troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Certains directeurs d'école à régime d'internat de la capitale politique indiquent qu'ils leur ont d'abord rappelé de suivre à la lettre les mesures de prévention du Covid-19 comme le lavage régulier des mains, ne pas se saluer en se serrant les mains et se donner des bisous. Cependant, ces directeurs demandent aux responsables de la santé de leur donner des conseils au quotidien afin qu'ils sachent comment améliorer les mesures de prévention, étant donné que ce sont des endroits où il y a beaucoup de monde et du moment qu'à leur retour, aucun élève n'a été dépisté, mais qu'ils leur ont recommandé d'alerter s'ils sentent n'importe quel malaise. De plus, ces directeurs soulignent qu'il y a certaines mesures initiées par le ministère de la Santé qui leur sont difficiles à appliquer, notamment le respect d'un mètre entre deux personnes, du moment que les élèves dorment dormaient à deux sur un même lit à cause du manque de matelas et en classe, ils s'assoient à deux voire à trois à cause du manque de pupitres. Ces directeurs demandent au gouvernement et ou aux bienfaiteurs si possible de donner des tentes pour les loger et des matelas ainsi que des tables et des chaises afin que chaque élève puisse s'asseoir seul en classe. Sur les écoles qu'on a visitées de la ville de Gitega, il y a eu installation des systèmes de lavage des mains par la Croix-Rouge branche Gitega et il y a eu démonstration sur la manière dont on se lave les mains. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et les gestes barrières recommandés par le gouvernement contre la propagation du coronavirus sont généralement respectés dans toutes les écoles de la mairie de Bujumbura visitées par nos reporters. Toutefois, la distanciation sociale reste toujours difficile à observer selon certains responsables scolaires interrogés. Ils demandent au gouvernement de les appuyer en matériel nécessaire pour lutter efficacement contre cette pandémie. On fait le point avec Vera Raïssa Irakiza, stagiaire à notre station. Après avoir visité plusieurs écoles comme l'école indépendante et l'école fondamentale Saint-Michel, on a constaté que les mesures d'hygiène sont respectées, comme l'indique la directrice de l'école fondamentale Saint-Michel. Oui, les mesures d'hygiène ici à l'école Saint-Michel sont respectées car nous avons installé des bagages à eau et des savons pour se laver les mains. Tout le monde qui entre à l'intérieur de l'école doit se laver. Les écoliers ont aussi compris qu'ils doivent se laver soigneusement les mains afin d'éviter ce virus. Il y a quelques fois, on n'utilise pas de savon, on met du chlore, oui. C'est ce que nous faisons ici, nous nous séparons, nous essayons à deux ici à l'école. Et puis on dit de ne pas se saluer, de dire bonjour seulement, ça suffit. Néanmoins, les enseignants de ces élèves affirment que sensibiliser les enfants de se laver les mains n'est pas facile, comme l'indique cette enseignante que nous avons rencontrée à l'école fondamentale de Moussaga. D'après André Nambou, qui est directeur de l'école indépendante, sensibiliser les enfants de se laver les mains est un travail de longue haleine. Même si les mesures d'hygiène sont prises dans ces écoles, la distanciation sociale est difficile car ces écoles ont un manque de matériel, comme l'indique Madame Espérance Widimana, directrice de l'école fondamentale de Moussaga. Elle demande à l'État de leur fournir des matériels suffisants comme le savon et l'eau. La situation est ainsi au moment où dans tout le pays aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire du troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Et la décision de la Direction générale du carburant qui interdit de garer les véhicules à l'intérieur des stations après l'incendie apparu à l'une de ces stations est respectée d'une manière générale. Selon certains agents chargés de la sécurité à ces stations, lors d'un tour effectué par la radio Isanganiro la nuit de ce dimanche, l'idée de ne pas loger les véhicules existait avant même la prise de cette décision. Toutefois, certains conducteurs de véhicules de transport en commun de la capitale Bujumbura demandent à l'État de prévoir au moins des parkings payants. Ezekiel Kumenayo. Au nord de la capitale Bujumbura, sur toutes les stations Kobil Energy, ils font savoir qu'ils n'ont jamais accepté que le véhicule y soit garé la nuit même avant la mesure. À la station Yakeim, située devant l'université du Burundi, campus Kamenge, pas de parking la nuit, sauf les camions citernes qui transportent le carburant garé à 50 mètres des pompes. D'autres stations situées en zone Kamenge, au Gare du Nord, plus de parking. Les employés de cette station affirme que la mesure a été respectée. Notre tour s'est poursuivi en commune Mukaza, en zone Nyakabiga, à la station Kobil, sur l'avenue de l'imprimerie. Les véhicules y passent la nuit normalement. Les employés de cette station, qu'elle n'est pas en service il y a tant de jours. La situation est la même à la station Kobil, dans la 8e avenue, en zone Kanyosha, dans la commune urbaine de Muha. Sur la station Delta, au quartier Kibenga, la situation est devenue un gare de camions Ben, mais à distance. Dans d'autres localités, les propriétaires des stations se sont organisés, comme la station Mogas Kanyosha, où une place a été aménagée pour servir de gare derrière la station service. Les propriétaires des véhicules demandent au gouvernement de construire des gares publiques payantes. La mesure interdisant les gares sur les stations service a été prise le 1er février de cette année après que le Kobil de la zone Kamenge ait pris feu faisant état de cet véhicule endommagé par le feu. Ezekiel Lendekoumenayo voudra bien nous excuser pour ces petites erreurs de nettoyage de ces reportages. En actualité internationale, Uvira dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a subi de graves inondations la semaine passée. 24 personnes ont été inhumées samedi et depuis, 3 corps supplémentaires ont été retrouvés. Il y aurait aussi plus de 80 blessés selon la société civile. Un bilan encore provisoire, comme le soulignent les autorités locales, puisque des corps se trouvent encore sous les décombres. Le maire adjoint d'Uvira, Kifara Kapenda Kiki craint les conséquences de ces inondations, notamment sur le plan sanitaire. Et au Mali, le second tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche, malgré la pandémie du coronavirus et l'insécurité. Un scrutin destiné à élire 125 des 147 députés que compte l'Assemblée nationale, les autres ayant remporté leur siège dès le premier tour. L'affluence était faible dans la capitale et à l'intérieur du Mali. Plusieurs bureaux de vote sont également restés fermés. Radio Isanganiro, chronique sport. Un championnat national de beach soccer est organisé chaque année pour les équipes de la première division et celles de la deuxième division. Et cela est dit par le président chargé de la commission beach soccer au sein de la Fédération burundaise de football FFB. Djuma Moussoma fait savoir que le championnat de la première division aligne 11 équipes, tandis que celui de la deuxième division regroupe 10 équipes. Les détails avec Fidel D'Antoine Sabiman. Le championnat national de beach soccer est organisé chaque année pour 11 équipes de la première division et 10 équipes de la deuxième division où les formations classées premières remportent les trophées. C'est l'explication de Djuma Moussoma, président chargé de la commission de beach soccer au sein de la Fédération burundaise de football FFB. Au Burundi, jusqu'à présent, nous avons organisé un championnat de beach soccer au niveau de Bujumbura et de Bujumbura rural. Nous avons des équipes, 10 équipes en deuxième division et 11 équipes en première division. Les équipes jouent le phase aller et retour. Ce président de beach soccer au sein de la FFB fait savoir que les deux équipes de la première division montent en première division au moment où les deux équipes de la première division sont reléguées en deuxième division. Premier de chaque club est déclaré championne. Alors il y aura deux équipes championnes dans chaque catégorie, donc division 1, qui vont évidemment représenter le pays au moment opportun. Et deux derniers seront relégués en deuxième division. Tout comme les deux premières de la deuxième division vont monter en première division. Malgré les terrains qui ne sont pas suffisants, Djuma Moussoma indique que la Fédération burundaise de football est en œuvre pour vulgariser ce sport. Pour le moment, il y a la Fédération de football qui fait tout pour que ce sport-là soit vraiment dans une ambiance où tout le monde va aimer le beach soccer. Pour le moment, nous sommes dans la phase de développement. C'est parmi les sports qui sont dans le programme de développement de la FIFA. Nous faisons tout pour que nous vulgarisons ce sport à travers tout le pays. Par après, on verra les résultats, ce que ça va donner. Sinon, le beach soccer, c'est un sport qui se joue au niveau mondial. Son président chargé de la commission de beach soccer à la FFB affirme que la Fédération internationale de beach soccer a promis d'envoyer les experts au Burundi pour aider à promouvoir ce sport au Burundi. Fidel D'Antoine Sabimana, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eli Kadogo. Micro Jean Bosco, Hundu Imana. Passez un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.